La Fédération anarchiste ibérique présente une étude sur le point 6 de l'ordre du jour. La lecture en français en est confiée au camarade Michel Cavalier. Les Espagnols dans ce texte proposent un schéma d'organisation de l'économie dans une société anarchiste. Le Congrès, à l'unanimité, vote cette motion. L'organisation de l'économie dans une société anarchiste ou durant l'étape de transition révolutionnaire vers l'anarchie. Utopie ou réalisme? Il importe de nous poser d'abord la question de principe. Est-il nécessaire et opportun de présenter d'une façon plus ou moins précise l'organisation de la société à venir? Les libertaires répondirent toujours par l'affirmative et tentèrent de scruter l'avenir. Les marxistes, par contre, refusèrent d'aborder le problème, dissimulant leur manque d'idéal et d'imagination derrière un soi-disant matérialisme historique et nous qualifièrent d'utopistes. En réalité, il n'y a de meilleur réalisme que celui des révolutionnaires qui, en critiquant la société actuelle, avancent une idée précise de celle qui doit la remplacer. Kropotkin écrivait dans « La science moderne et l'anarchie » « Aucune lutte ne peut avoir de succès si elle reste inconsciente, si elle ne se rend pas un compte concret, réel de son but. Aucune destruction de ce qui existe n'est possible sans que, déjà pendant la période de destruction et des luttes menant à la destruction, on ne se représente mentalement ce qui va prendre la place de ce que l'on veut détruire. On ne peut même pas faire une critique théorique de ce qui existe sans se dessiner déjà dans l'esprit une image plus ou moins nette de ce que l'on voulait voir en lieu et place de ce qui existe. Consciemment ou inconsciemment, l'idéal, la conception du mieux-être, se dessine toujours dans l'esprit de quiconque fait la critique des institutions existantes. Révolution sociale libertaire indispensable. L'organisation de l'économie à orientation et fidélité libertaire, ainsi que son développement, nécessite un changement radical du système capitaliste et du système communiste étatique imprégné des principes marxistes-léninistes. Ce changement implique nécessairement abolir et dépasser ces deux systèmes. Jeter les bases fondamentales de la vie de la société anarchiste ou du vrai socialisme en marche vers celle-là. Pas plus la société anarchiste que la société communiste libertaire ne se réaliseront par enchantement en un jour, ni de façon synchronisée sur le plan mondial, à une phase donnée de l'histoire universelle. La révolution ne sera pas au même niveau dans le pays, et à plus forte raison dans tous les pays à la fois. Elle ne pourra pas non plus être uniforme, faite sur un type unique. Les conditions géographiques, ethniques, démographiques, ainsi que l'état de développement de l'industrie, des richesses naturelles, l'existence ou non de matières premières, les possibilités agricoles, la mentalité, la culture, etc., influeront dans les différentes constructions de cette révolution. Et cela, malgré l'orientation libertaire. En effet, selon son implantation, en plus des différences possibles déjà notées, le système apparaîtra dans chaque pays sous des aspects multiples et divers, à la recherche incessante d'une perfection et d'un équilibre harmonieux. Il n'en reste pas moins que les caractéristiques essentielles de la société anarchiste, ainsi que les moyens et procédés pratiques et efficaces pour y arriver, doivent se manifester avec clarté et vigueur, pour avoir prise sur la réalité, dès aujourd'hui, en vue d'éclosions futures. Les buts de la nouvelle économie libertaire et de la société anarchiste doivent être la liberté et le bien-être de tous dans un milieu d'égalité sociale et de solidarité humaine. Pour les réaliser, l'État doit nécessairement disparaître ainsi que toute dictature, fût-elle transitoire. Il faut supprimer toutes les institutions autoritaires du capitalisme, de la propriété privée, tous les procédés d'exploitation et d'oppression de l'homme par l'homme, les classes sociales, hiérarchies, privilèges, ainsi que le salariat. Bien sûr, malheureusement, la révolution sociale rencontrera de grands obstacles dans un pays. Elle doit aller immédiatement au fond des choses, surtout dans le domaine économique. Elle doit se préoccuper surtout de l'organisation du travail et de la société. Il faut faire passer dans la réalité de tous les jours le maximum de réalisation libertaire, donnant ainsi un certain nombre d'idées et d'initiatives importantes qui se développent par la suite. Le leitmotiv doit être pain, liberté, habitation, culture et loisirs pour tous. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Il faudra détruire tous les obstacles intérieurs qui s'opposeront à la libre organisation de la société nouvelle. Il ne faudra pas compter beaucoup sur la solidarité révolutionnaire mondiale pour appuyer une révolution dans quelque pays que ce soit, surtout si elle se présente comme anarchiste. Tout aide des blocs mondiaux prédominants sera évidemment un effort de satellisation. De plus, il faut compter sur le fait qu'un changement révolutionnaire profond produit une période de marasme économique, de tâtonnement, de réajustement des structures, tout cela mettant à épreuve la capacité révolutionnaire du pays, surtout dans ses qualités à construire, assurer l'existence et le libre fonctionnement de la société. Dès le premier moment, il est nécessaire d'assurer la production, l'investissement, le ravitaillement, la productivité, sans exploiter le producteur, sans le maintenir soumis à des journées de travail épuisantes. Le triomphe immédiat de la révolution sociale et sa consolidation dépendra pour beaucoup de la capacité révolutionnaire et libertaire des travailleurs, capacité sociale, économique, culturelle et idéologique. Le facteur essentiel de l'ordre nouveau doit être l'homme libre et conscient de lui-même. Aucun type d'économie actuelle ne convient à l'anarchisme. Notre finalité est de vivre en liberté et de faire tout pour que tous les êtres puissent en jouir à égalité de conditions. La seule limite étant ce que la terre, la nature et l'effort solidaire des hommes pourra fournir. Conception d'un anarchisme social. Pour les mêmes raisons, notre conception du socialisme intégral est simple et non exhaustive, ni uniforme dans ses possibilités et modalités pratiques. Et si nos préférences vont vers le communisme libertaire, comme système ouvert et perfectible, nous ne refusons systématiquement, mis à part bien sûr les régimes bourgeois et utilitaires, aucun autre mode d'organisation sociale qui peut être de type mutualiste, collectiviste, coopératif, etc., pourvu qu'il élimine toute exploitation de l'homme par l'homme. La liberté d'expérimenter différents systèmes d'économie dans une société en voie de transformation, selon les principes d'anarchisme, doit être assurée sous condition qu'une planification librement et fédérativement élaborée et librement consentie garantit la production des biens nécessaires et le fonctionnement normal des services essentiels, afin de satisfaire les besoins de tous selon les possibilités de l'époque. Liberté d'expérimentation. L'expérimentation et la coexistence de différents types de socialisation sont mutualiste, Proudhon, collectiviste, Kropotkine-Mellard, communiste, Kropotkin Malatesta, coopérativiste non commercialisé. À n'importe quelle échelle, peut être possible dans le système libertaire, à condition de respecter le principe anti-autoritaire qui a pour corollaire l'autonomie, le fédéralisme et la solidarité. D'un point de vue libertaire, cela est particulièrement logique, puisque sa pensée est que les formes sociales ne doivent pas stagner et qu'aucune structure économique ne peut être considérée comme définitive et immuable. Créer toujours les conditions optimum pour le plein développement de la personnalité humaine, telle doit être l'orientation et le but de la société anarchiste. Généralité sociale et économique de la pensée libertaire. L'économie ne peut se développer sans base sociale. Les nécessités de la vie en société font que les hommes se voient dans l'obligation de chercher un principe régulateur pour la rendre au moins compatible. Il faut donc un pacte ou un contrat librement consenti, accepté librement et consciemment et appliqué de la même manière. Dans la conception anarchiste, du moins celle qui admet la base organisatrice par pacte libre, le communisme libertaire est le système le plus adapté au développement d'une société voulant vivre sur les principes précédemment cités. Base de la nouvelle société, la commune libre. L'idée de communes indépendantes pour les groupements territoriaux et de vastes fédérations de métiers pour les groupements par fonction sociale, les deux s'enchevêtrant et se prêtant appui pour satisfaire les besoins de la société, permettent aux anarchistes de concevoir d'une façon concrète, réelle, l'organisation possible d'une société affranchie. Il n'y avait plus à y ajouter qu'à y ajouter les groupements par affinité personnelle, groupements sans nombre, variés à l'infini, de longue durée ou éphémère, surgissant selon les besoins du moment pour tous les buts possibles. Groupements que nous voyons déjà surgir dans la société actuelle, en dehors des groupements politiques et professionnels. Ces trois sortes de groupements, se couvrant comme un réseau les uns les autres, arrivent ainsi à permettre la satisfaction de tous les besoins sociaux, la consommation, la production et l'échange, les communications, les arrangements sanitaires, l'éducation, la protection mutuelle contre les agressions, l'entraide, la défense du territoire, la satisfaction, enfin, des besoins scientifiques, artistiques, littéraires, d'amusement. Le tout, toujours plein de vie et toujours prêt à répondre par des nouvelles adaptations aux nouveaux besoins et aux nouvelles influences du milieu social et intellectuel. Si une société de ce genre se développait sur un territoire assez large et assez peuplé pour permettre la variété nécessaire des goûts et des besoins, on s'apercevrait bientôt que la contrainte par l'autorité, quelle qu'elle soit, y serait inutile. C'était une citation de Pierre Kropotkin, La société moderne et l'anarchie. La cellule vivante de la nouvelle organisation sociale, libertaire, en plus de l'individu, du groupe, de la collectivité, du syndicat, est pour nous la commune libre. La commune libre, constituée par tous, peut tenir le rôle de coordination sociale dans l'aspect simplement administratif. Non de pouvoir et d'institution politique, sinon de service social sur le plan local. Ces fonctions doivent s'ajuster aux résolutions et décisions que les assemblées libres communales auront prises par consentement mutuel. Il faut enlever tout autoritarisme et toute bureaucratie de cette organisation communale. Les fédérations régionales et nationales de communes libres pourront se constituer sur le plan général d'un pays ou zone géographique, ethnique et se fédérer sur le plan international. La commune ne doit pas avoir de pouvoir politique et encore moins militaire, ceux-ci devant disparaître totalement, ni même avoir de pouvoir révolutionnaire. Tout pouvoir doit être aboli pour qu'ainsi personne ne puisse l'exercer. Il ne doit pas y avoir dans la commune d'appropriation économique qui fasse d'elle un endroit fermé ou une féodalité. Toute commune doit être ouverte à la solidarité en se basant sur le fait que toute production, comme toute richesse, est patrimoine commun et permanent à la disposition de tous. Son usufruit étant réglé par les normes collectives libres et établies en commun. Du syndicat révolutionnaire et de ses fonctions. L'organisme qui, dans la société socialiste, peut le mieux assurer l'organisation du travail et des fonctions est le syndicat révolutionnaire, constitué par les travailleurs libres de l'industrie, de la campagne, de la mine, des laboratoires, des centres de recherche, des spécialités techniques. Les syndicats, groupés par branches et industries, en fédérations locales, régionales, nationales et internationales, et administrant directement sous leur contrôle ces diverses activités, sont les organismes capables d'assurer la production des articles et choses indispensables à la société. Ces organismes poursuivront l'objectif de créer l'abondance avec l'apport de chacun, selon sa force et capacité, sans qu'il y ait exploitation de quiconque. Toute la production devra être mise à la portée de tous au moyen des organismes les plus adéquats, à la distribution, échange et répartition la plus équitable qui soit. Les fédérations de syndicats pourront se former par catégories de production, soit industrielles, paysannes, etc., ou de services publics, postes, communications, transports et autres. La révolution sociale, avec la disparition de la bourgeoisie et des structures capitalistes et autoritaires, devra établir un nouvel ordre économique qui impliquera nécessairement d'autres modalités de travail, réajustement d'usines, reconversion professionnelle, spécialité distincte de la production. Les syndicats, par profession ou spécialité, ne devront pas avoir non plus de pouvoir politique ni de propriété d'usines, de machines ou de produits élaborés. La propriété corporative ne doit pas pouvoir s'apporter dans la société anarchique ou communiste libertaire. La société doit être comme un organisme vivant dans lequel les cellules, les organes accomplissent leurs fonctions pour assurer la vie. Mais avec la différence essentielle que dans cet organisme social, l'homme se manifeste de façon autonome, contribuant par son individualité à l'enrichir et à la vitaliser, et de plus à lui donner conscience avec son intelligence, sa raison et ses connaissances, lui donnant en plus un développement harmonieux et ascendant. Loin de nous l'idée de définir de façon immuable les bases sociales, éthiques et économiques de l'anarchisme. Mais nos définitions échappent au moins à un grand danger, en n'utilisant pas le mot politique à cause des confusions auxquelles il se prête. Nous savons bien que l'histoire ne suit pas une ligne ascendante et continue, mais qu'elle avance de façon discontinue en résolvant ses contradictions. Les formes sociales et le développement de la pensée humaine se dépassent et se renouvellent ainsi sans arrêt la vie sociale et ses formes. C'est la propre dialectique de la vie qui crée les germes qui font avancer l'humanité. Conscients de cela, nous, anarchistes, nous luttons pour toutes les audaces sociales et nous maintenons vivants et actifs l'esprit révolutionnaire. Nous ne traçons aucune limite à ne pas franchir dans ce développement. Proposition. Comme complément à cette motion, étude, nous proposons finalement que le Congrès anarchiste adopte dans le principe pour le soumettre ensuite à l'avis des fédérations anarchistes des divers pays la suggestion de la nomination d'une commission ou la création d'un centre international d'études sociales et économiques anarchistes afin de compiler et mettre à jour ce qui s'est écrit de plus fondamental sur ce thème. Ainsi, on pourrait recueillir les solutions proposées par les diverses fédérations anarchistes, ceci afin de rechercher les solutions les plus adéquates à la transformation du monde en marche vers la société anarchiste.